Cela fait une centaine d'années que les primitifs sont étudiés par les anthropologues. Beaucoup d'entre eux ont une connaissance profonde des plantes psychédéliques vivant dans la nature qui les entoure. Et nous commençons seulement à percevoir que l'expérience psychédélique est l'une des expériences fondatrices de la culture humaine, et qu'aucun rayon du savoir n'échappe à ses effets. On étudie les vertus chimiques et les propriétés physiologiques des agents actifs de ces plantes, mais l'on ne regarde guère autour de soi. Depuis des millénaires et peut-être depuis l'origine des temps, certains groupes humains ont pratiqué et souvent pratiquent encore l'expérience psychédélique. Cette expérience, ils l'ont institutionnalisée en la célébrant par des rites plutôt qu'en la réprimant par des lois. L'usage rituel des plantes psychédéliques par des hommes vivant harmonieusement au sein de leur écosystème n'entraîne aucun des effets désastreux que l'on se plaît à associer à l'usage de telles substances.